Rajolier. La CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Trois-Bassins que suite à des travaux sur le forage de la Grande Ravine, la distribution en eau sera perturbée pour demain mercredi 21 sur l'ensemble de la commune. La remise en eau se fera dès l'achèvement des travaux. Veolia qui informe ses clients de la commune de l'étang salé qu'en raison de travaux EDF sur le réseau, des perturbations voire coupures pourraient se faire sentir à partir de 8h pour demain mercredi 21 sur les secteurs suivants à l'étang salé, l'impasse des cryptomérias. Et puis le maire de la Plaine des Palmistes qui informe ses abonnés du secteur du premier village qu'en raison de la dégradation de la qualité de l'eau, il est conseillé de faire bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes avant toute consommation et cette disposition reste valable jusqu'au retour à la normale pardon, qui sera transmis par la même voie. Il compte surtout sur la compréhension de tous. Try to take you there. Would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean of the sea. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean of the sea. Say the ocean loves the sea. I say the ocean loves the sea. Rhythm is love. The feeling called musical. Hey yeah. Hey yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Color is lust. Because all of the sexual things we do. In my mind I trust you to make them all colorful. Hey yeah. Très bon appétit à l'écoute de la première, il est midi. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Des discussions, mais pas de solution. Les deux usines sucrières de Lille sont toujours bloquées ce midi après l'échec des négociations entre les planteurs et les services de l'État. Les planteurs bloquent l'entrée de Bois-Rouge et du Gol depuis hier pour obtenir le versement immédiat des aides qui leur sont dues. Ces retards de paiement mettent bon nombre de planteurs dans une situation délicate, selon Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'agriculture que nous entendrons dans un instant. Eux aussi manifestent à l'appel de la CFDT et l'UNSA à quelques jours de la revalorisation des pensions. Des retraités se mobilisent pour voir enfin le montant de leur pension augmenter, des retraités dont un grand nombre a un niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté. Le point sur les revendications dans ce journal. Dans cette édition, nous reviendrons également sur les propos de Nicolas Sarkozy. Hier, lors d'une réunion publique, l'ancien chef de l'État a dit qu'à partir du moment où l'on devient français, l'on vit comme un français et nos ancêtres sont les Gaulois. Une déclaration qui fait réagir ses opposants ici, bien sûr, même si pour ses soutiens locaux, ses propos ne concernent pas les Réunionnais. Nous l'entendrons. Bienvenue sur Réunion Première. Il y a eu des avancées, mais pas assez. Ce matin, les planteurs de la Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de la Réunion se sont assis à la table des négociations avec les responsables de la DAF, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Les discussions n'ont donc pas permis de mettre un terme à la gronde des planteurs qui bloque depuis hier l'entrée des usines du Gol dans le sud et de Bois-Rouge dans le nord. La Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de la Réunion réclame le versement immédiat des aides qui leur sont dues, certaines depuis 2015, des aides indispensables à la trésorerie des planteurs, selon la CGPER. C'est également l'avis du président de la Chambre d'agriculture, Jean-Bernard Gontier. Il est au micro de Pierre Comorassami. Aujourd'hui, tous les agriculteurs, que ce soit les éleveurs, les canniers ou les maraîchers et fruitiers, on est aujourd'hui au pied du mur. C'est la deuxième année où les aides sont en retard. On nous a donné par morcellement les aides l'année dernière, avec des calendriers qui n'ont pas été respectés. Certains agriculteurs ont dû faire des prêts et reporter ces prêts à chaque fois en fonction du calendrier qui a été proposé. Et ça les a mis dans des difficultés, et aujourd'hui ils veulent plus retomber dans ce cercle-là. Ils disent qu'aujourd'hui ils veulent solder les aides qu'il y a derrière et recommencer dans le calendrier normal qu'on avait avant. Des propos recueillis au micro Réunion Première de Pierre Komorasamy. La CFDT et l'UNSA Retraite mobilisées à l'approche du 1er octobre, date de la revalorisation des pensions des retraités. Cette journée du mardi 20 septembre est une journée d'action locale et nationale. Elle a pour objectif d'attirer l'attention sur la situation des retraités. Alors que les salaires ont été revalorisés de 4,2% en 2015, les pensions des retraités ont été augmentées de seulement 0,1%. Et cette année, au vu de l'inflation qui flirte avec le zéro, les pensions ne devraient pas bouger. Ce matin, une délégation des deux syndicats est allée en préfecture afin d'y déposer une pétition. Elle a été signée par des retraités qui vivent dans la précarité, mais aussi par des salariés qui travaillent pour une petite retraite. Avec elle, les revendications de la CFDT et l'UNSA Retraités. Alix Lechat est le secrétaire général de l'Union réunionnaise des retraités CFDT. Il fait le point sur les revendications. Anciennement, c'était par rapport au salaire qu'on avait des retraites. Et aujourd'hui, c'est sur l'indexation du coût de la vie. Et quand on sait que l'inflation est autour de zéro, ça veut dire que les pensions de retraite ne vont pas augmenter. Donc nous demandons qu'on arrête d'indexer sur les prix. Ensuite, nous revendiquons une retraite minimale au SMIC net, c'est-à-dire 1 200 €. C'est peut-être utopique, mais si nous ne demandons pas 1 200 €, nous n'aurons rien du tout. Alix Lechat, le secrétaire général de l'Union réunionnaise des retraités CFDT, était avec Johanna Damadorassi. Et cet après-midi, une manifestation des deux syndicats, la CFDT et l'UNSA, est prévue à Paris devant le ministère des Affaires sociales. En bref, elle était portée disparue depuis le milieu de la semaine dernière. Le corps de Charlotte Jouc, 21 ans, a été retrouvé hier dans le secteur de Ravine Glissante à Sainte-Rose. Comme ses proches le craignaient, la jeune femme aurait mis fin à ses jours. Une enquête de gendarmerie doit confirmer cette hypothèse. Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Nicolas Sarkozy décidé à ne plus prendre de pincettes et à sortir du politiquement correct. C'est ce qu'il a dit hier soir lors d'un meeting en région parisienne. L'ancien chef de l'État, candidat à la primaire de la droite et du centre, a dénoncé la tyrannie des minorités, je cite, un discours qui fait réagir ici, comme pour les épisodes précédents, lorsqu'il parlait des points positifs de la colonisation ou très récemment du partage de culture. Jean-Pierre Marchaud, le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, s'amuse déjà de l'embarras que ça pourrait créer pour les soutiens de Nicolas Sarkozy à La Réunion, mais il n'est pas étonné par le discours. C'est une stratégie politique. Il veut être présent au premier tour et il veut incarner la droite dure, la droite identitaire. Donc, je ne sais pas ce que va dire Didier Robert, je ne sais pas sa place. Mais bon, c'est ça qui est un petit peu comique, puisqu'on sait que le président Didier Robert a rompu avec François Fillon en brandissant les valeurs de l'anticolonialisme. Il a fait un peu lui-même donc, une communication très médiatique sur son ralliement à Nicolas Sarkozy au nom de la diversité, du métissage, etc. Il se retrouve à soutenir un candidat qui est en train de distribuer les clichés les plus éculés du colonialisme. Nos ancêtres les Gaulois, c'est-à-dire toute personne qui devient française doit assumer, d'après lui, le fait d'avoir des ancêtres gaulois. Et je pense, effectivement, que c'est un petit peu gênant pour la stratégie du président de région et sa stratégie de ralliement à Nicolas Sarkozy. Voilà, pour Jean-Jacques Morel, élu Les Républicains et porte-parole de Didier Robert, ce genre de discours n'a pas à être interprété ici, à La Réunion. Quand Nicolas Sarkozy s'adresse aux militants de Franconville, dans le Val d'Oise, c'était le cas hier, il peut utiliser des termes qu'il n'utiliserait pas chez nous. Selon Jean-Jacques Morel, c'est tout l'intérêt d'avoir des équipes de campagne qui font le relais. Il est bien certain qu'un discours ou une vision qui est applicable à l'Île-de-France, ça ne sera pas la même à La Réunion. Et là, effectivement, si Didier Robert intègre le staff au sens large de campagne du président Sarkozy, son rôle, c'est précisément de le sensibiliser à une sensibilité, une susceptibilité que les populations d'outre-mer peuvent légitimement avoir. Le discours ne peut pas être le même, parce qu'il n'est pas entendu de la même façon. Mais vous ne ferez pas dire à aucun gaulliste, et surtout pas à moi-même ou à Didier Robert, qu'on doit gommer les choses et faire une France uniforme, grise et tristounette. Les propos recueillis ce matin par Bruce Régent. Midi 7 sur Réunion Première, la suite de votre journal, Antoine Garnier. 190 000 contre 197 000 l'an dernier. La Réunion a perdu 7 000 touristes entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016. C'est dans ce contexte de légère baisse que démarre le plus grand rendez-vous de l'année des professionnels du tourisme en France. Le salon Top Resa ouvre ses portes ce mardi à Paris. L'occasion pour l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, d'éprouver son nouveau logo pour lequel elle a déboursé 30 000 €. Un nouvel emblème dévoilé la semaine dernière en avant-première à La Réunion et qui vise à attirer plus de touristes. Christelle Floricourt. Ce sont un peu plus de 420 000 touristes qui ont choisi La Réunion comme destination l'année dernière. Des visiteurs avec un budget moyen de 75 euros par personne. Un chiffre en hausse par rapport à 2014, mais qui pourrait encore augmenter pour Stéphane Foissin, président de l'IRT. On a besoin de tourisme. Le poids du tourisme à La Réunion, c'est 306 millions d'euros injectés dans l'économie réunionnaise. Ce qu'il faut, c'est que le touriste vienne, mais dépense aussi plus. Le fait de faire un tourisme d'expérience, où le touriste va participer, et ça, c'est une plus-value, parce que le touriste est prêt à payer un peu plus pour vivre ces expériences. Payer pour partager une expérience, être en contact avec la population locale, une dynamique qui conduirait à la dépense touristique et pour cela une vitrine, le salon Top Reza à Paris. Du 20 au 23 septembre, le stand réunionnais fait peau neuve. L'IRT lancera même sa nouvelle application, un rendez-vous qu'il ne faut pas rater selon Willy Etève, directeur de l'IRT. L'impact, on le suit d'année en année parce que les tour opérateurs qui programment la destination continuent à la mettre en avant et suite au salon Top Reza, dans les 3-4 mois qui suivent, on a des campagnes de communication qui sont lancées par les tour opérateurs parce qu'on a su les séduire. Ne pas participer à Top Reza, ce serait de se priver de dizaines de milliers de touristes à La Réunion. L'île de La Réunion Tourisme compte également sur son nouveau film pour promouvoir la destination Réunion auprès des 30 000 professionnels du tourisme présents au salon. On continue sur le tourisme, mais au départ de La Réunion, cette fois, le premier parking longue durée de l'aéroport Roland-Garros a ouvert ses portes, ou plutôt ses barrières, ce matin, avec 200 places réservables sur Internet. Et il est possible de prépayer également sur le site. Le parking est situé juste au début de la route d'accès à l'aérogare fret, donc à 2 minutes de marche de l'aérogare. Le tarif est fixe entre 12 heures et 4 jours de stationnement. Cela vous coûtera 40 euros. Au-delà, ce sera 10 euros par jour, de quoi répondre à une attente sans menacer les bonnes vieilles sollicitations des amis qui ont une grande cour à Saint-Denis ou à Sainte-Marie. Reportage Bruce Réjean. Les gens qui viennent avec leur famille, leurs voisins, ça va toujours un peu exister puisque ça fait partie un petit peu de l'ADN des Réunionnais. Il le sait bien, Jean-Paul Noël, à 10 euros la journée de stationnement. Ce parking reste plus cher que le jardin de vos copains dionysiens, mais on n'a pas toujours envie de les faire lever avant l'aube. Je crois qu'il y a une vraie demande des gens qui voyagent quelque temps d'avoir une prestation sans forcément compter sur quelqu'un. Donc aujourd'hui, on offre ce service pour répondre à ce besoin. Et le président du directoire de l'aéroport fait aussi remarquer qu'il n'y aura pas à marcher des kilomètres. Il y a même un itinéraire balisé. Ça va jusqu'à l'aérogare. Vous avez la sortie là-bas, dans les deux poteaux. Là. Ensuite, on a le passage protégé. On a mesuré, c'est autour de 200 mètres. Yannick Roy, le directeur du développement extra-aéronautique, pense qu'à ce tarif, de nombreux voyageurs de l'Ouest, du Sud ou de l'Est seront séduits. Mais ça ne videra pas non plus le parking accompagnateur. Le parking principal donc, reste plus proche, donc plus intéressant si on passe simplement quelques heures à l'aéroport. Par contre, si on part pour un peu plus longtemps, l'idée c'est de venir dans le parking longue durée, même si on a quelques pas de plus à faire. Avec peut-être en bonus une plus grande sécurité. Ce parking-là, donc, non seulement il est clôturé, mais aussi les surveiller par caméra 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et il y a des agents de sécurité qui vont se faire des rondes. Sincèrement, l'idée, c'était pas de surfer sur les problèmes qu'il peut y avoir ailleurs, c'était vraiment d'offrir un service de plus aux passagers. Et pour les packages billets d'avion plus parking, il ne faudra peut-être plus beaucoup patienter. Ça pourrait être très bien développé. Je pense que ça se fait ailleurs par des tours opérateurs qui vont même des locations de voitures, chambres d'hôtel, etc. Nous, on sera ouvert à ce genre de proposition-là. Un reportage signé Bruce Réjean. Une dictée pour la bonne cause cette semaine, la dictée d'Ella, organisée par l'association qui lutte contre les leucodystrophies. Les écoliers réunionnais seront les premiers de France à plancher sur ce texte. Un texte écrit cette année par la romancière Catherine Pancol, avec ce titre « Quand on veut, on peut » et de la volonté, il en faut. Aux parents concernés par ces maladies génétiques, leurs enfants deviennent plus ou moins vite paralysés. La plupart d'entre eux décèdent très jeunes, d'où un réel besoin de soutien que propose justement l'association est là. Le week-end prochain, elle rassemble une quinzaine de familles dans un hôtel de l'Ouest. Un week-end de répit, comme l'a dit ce matin Guy Elba sur Réunion Première. Le président d'ELA International, Guy Elba, était l'invité de Philippe Dornier. C'est extrêmement important parce que là, le regard des autres pèse moins. On peut échanger librement, on peut s'échanger aussi des petits trucs du quotidien. Et puis l'association apporte concrètement des aides. Lorsqu'il faut bouger les murs d'une maison, refaire une salle de bain qui n'est pas du tout adaptée au handicap de l'enfant, adapter un véhicule pour le transport de l'enfant dans son fauteuil roulant, tout ça c'est des coûts extrêmement importants. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, la sécurité sociale ne couvre pas l'ensemble et de loin de ces frais. Et l'association est là justement pour financer toute ou partie de ces frais. Évidemment, il faut des moyens pour ça. C'est pour ça qu'on mobilise chaque année les écoles, les entreprises, les donateurs, les mécènes, parce qu'il nous faut des moyens pour assurer ça. Mais c'est essentiel pour les familles. Voilà pour l'information locale. Que se passe-t-il en France et dans le monde? La réponse avec France Info. L'info, Léo Chapuis. Les surveillants de prison l'attendent de pied ferme. Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, se rend ce matin à la maison d'arrêt de Fresnes en région parisienne. Il va dévoiler ses solutions pour tenter de régler les problèmes de surpopulation, de radicalisation, d'agression. Le ministre veut notamment un détenu par cellule, pas plus. Il devrait aussi confirmer la création de 10 000 nouvelles places dans les prisons. Indignation et consternation à l'ONU après le bombardement d'un convoi humanitaire en Syrie. Des camions remplis de nourriture et de médicaments ont été attaqués hier soir. 12 travailleurs humanitaires sont morts. Les armées russes et syriennes sont pointées du doigt. Plus que jamais, c'est l'impasse dans le dossier syrien, dossier qui va être au cœur des discussions à l'Assemblée générale des Nations unies. La France va appeler à une nouvelle trêve des combats. Sur l'île de Lesbos, en Grèce, un gigantesque incendie a englouti hier soir un camp de migrants. Aucune victime, mais les dégâts sont importants. Les tentes et les préfabriqués qui servent de bureaux sont partis en fumée. Ce sont des migrants eux-mêmes qui auraient mis le feu volontairement. Et puis de quoi mettre un peu de baume au cœur à François Hollande, mal en point dans les sondages. Le président a reçu cette nuit à New York une distinction, homme d'État de l'année 2016. C'est une fondation qui salue son action pour la paix et la liberté. Nicolas Sarkozy avait lui aussi à l'époque reçu ce prix. France Info. Vous êtes bien sur Réunion Première, le 12-13 continue. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. On utilise de plus en plus nos téléphones portables pour bien d'autres choses que téléphoner ou envoyer des messages. Parmi les milliers d'applications qui sont proposées, certaines facilitent grandement la vie des usagers des transports en commun. Le voyageur connecté est dans l'actu ce midi, Philippe Dornier. Et c'est d'ailleurs le thème de la semaine de la mobilité, Antoine. Une semaine pour prouver que les outils numériques peuvent améliorer vos déplacements. Est-ce que vous utilisez votre smartphone pour connaître les horaires des bus ou pour covoiturer, prenez la parole au 02 62 99 2000. Le débat, c'est dans deux minutes, juste après la météo d'Ingrid. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La couverture nuageuse se déchire progressivement le long du littoral est et à la plaine des Palmistes. Dans l'ouest, le temps est bien ensoleillé, permettant aux températures de grimper rapidement. Au fil des heures, les cumulus se développent, apportant quelques petites ondées sur les hauts du nord-ouest. Le long des plages de l'ouest, le temps est clément avec de belles périodes ensoleillées et les pluies au sommet restent eux aussi dégagées. Les rafales de vent d'est atteignent 55 à 65 km/h dans le sud sauvage. Sur la région de Saint-Pierre ou encore de Saint-Denis. Le vent souffle également sur les sommets et au Pas-de-Bellecombe. La mer est agitée à fort au vent avec une petite houle d'alizé déferlant entre Saint-Joseph et Chamborne. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au Week-end Nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalubang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalubang.re. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Midi 18 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Aujourd'hui, le transport, le voyageur connecté. Qu'on aille au travail, à la plage ou faire ses courses, personne n'aime perdre son temps dans les embouteillages. Même chose pour les passagers des bus qui se passeraient bien de poireauter à la gare routière. Ceux qui se déplacent à vélo souhaitent pouvoir monter dans un car jaune afin d'éviter la partie la plus pentue du trajet. Alors pour mettre de l'huile dans les rouages, eh bien le numérique apparaît comme la solution idéale. Aller sur internet pour préparer son déplacement, chercher la bonne solution dans son smartphone, ce sont des réflexes de plus en plus courants. Et c'est ce que cherche à valoriser la Semaine européenne de la mobilité. Mais le voyageur connecté reste encore confronté à pas mal de problèmes. La cartographie interactive est-elle réellement efficace à La Réunion? L'offre répond-elle à la demande sur les plateformes de covoiturage? Comment connaître les applications mobiles les plus utiles? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et vos questions, on les attend au 02 62 99 2000. Vous pouvez également participer à l'émission par SMS au 06 92 70 2000 et puis via les réseaux sociaux, Twitter, le hashtag CDL la première, également sur Facebook et la page C'est dans l'actu. Nos invités ce midi, Mylène Gonsalves, la directrice du SMTR, bonjour. Bonjour. Le syndicat mixte de transport de La Réunion. Huguette Lichéian, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Partaz Outloto. C'est un site de covoiturage. Vous nous expliquerez comment ça fonctionne. Et puis avec nous également, Samuel Ramasamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-concepteur, parce que vous êtes plusieurs, de Nous Transport. C'est une application d'optimisation des déplacements. Là aussi, vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Alors, on parle beaucoup du voyageur connecté. C'est très à la mode, c'est très branché pendant cette semaine de la mobilité, Mylène Gonsalves. C'est quoi un voyageur connecté? Comment vous le définiriez? Un voyageur connecté, c'est un voyageur qui utilise tous les outils numériques qui existent déjà, qui sont déjà à sa disposition, et qui vont lui permettre de construire son voyage, de programmer son déplacement de la manière la plus judicieuse possible, c'est-à-dire avec un outil qui lui permet d'avoir connaissance de tous les modes de déplacement qu'il peut enchaîner pour aller d'un point A à un point B, et d'avoir les horaires des transports en commun. Bien entendu, en temps réel, c'est mieux parce qu'en fait, ça lui permet d'avoir aussi information sur les arrivées de bus à tel arrêt et non pas des horaires théoriques qui, comme on le sait à La Réunion, sont parfois non respectés. Avec les contraintes des embouteillages. Avec les contraintes des embouteillages, exactement. C'est aussi, en fait, cette thématique de voyageurs connectés, c'est la thématique retenue pour la journée du transport public qui a eu lieu le 17 septembre. Et ça fait écho au thème de la Semaine européenne de la mobilité, mobilité intelligente, économie performante. Donc, et pour la Semaine européenne de la mobilité, le syndicat mixte de transport et ses partenaires a choisi de décliner à La Réunion cette thématique en ciblant plus particulièrement les jeunes qui, eux, sont très connectés. Alors, est-ce que vous pensez être dans ce mouvement des voyageurs connectés, Huguette Lichéian, vous qui avez mis en place, et on y reviendra, une plateforme de covoiturage? Oui, en fait, ma plateforme de covoiturage, donc, c'est juste une publication des offres et des demandes, donc, de covoitureurs qui souhaitent faire du covoiturage ensemble. Mais en aucun cas, les personnes s'inscrivent sur mon site web, puisque je contrôle les pièces d'identité, les papiers du véhicule. Donc, en fait, c'est un service sécurisé de mise en relation entre les passagers et les conducteurs. Alors, on reviendra sur le oui. fonctionnement, mais sur la question générale de connecter les gens les uns avec les autres. C'est un peu ça l'idée oui. aussi. Vous avez avez vraiment le sentiment de contribuer à tout ça ? Oui. Depuis donc 2 mois, l'association donc a été créée. Et en fait, cette idée m'est venue suite aux enquêtes que j'ai donc effectuées auprès des ménages pour le SMTR. Alors, vous avez contribué, là on va y venir, avec Mylène Gonsalves, qui est la présidente du SMTR. Vous faisiez partie des enquêteurs sur l'enquête déplacement, hein, dont on avait parlé dans cette émission au mois de février dernier. Oui. Et c'est comme ça que... Expliquez-nous comment est venue cette idée de ce site. Oui, alors donc en fait, il s'agissait de poser donc des questions aux personnes, dans le sens ce qu'ils utilisaient comme moyen de déplacement, donc à pied, vélo, voiture, et notamment le covoiturage. Et beaucoup de personnes m'ont répondu qu'ils ne savaient pas vers quel service se tourner et avec qui covoiturer. Donc c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans leur sens, et surtout qu'ils ne savaient pas avec qui covoiturer. Donc pour les rassurer, je propose la vérification donc de la pièce d'identité, des papiers du véhicule. Alors ça fonctionne comment concrètement? Je veux covoiturer, je fais quoi? Il y a un site internet, vous êtes sur les réseaux sociaux, ça marche comment? Oui, donc j'ai une page Facebook et ensuite j'ai un site internet, donc www.partazloto.re, donc qui permet aux personnes de consulter les offres des conducteurs et les demandes des passagers. Voilà. Et donc ensuite, il faut m'appeler pour qu'on prenne rendez-vous et avec les papiers, comme je vous ai dit, donc de la pièce d'identité, papiers du véhicule. Alors cette plateforme Partazloto, ça fait partie de tous les acteurs qui sont sur le marché, hein, parce que c'est aussi un marché à La Réunion, cette question des déplacements. Et vous, Samuel Ramassamy, avec vos amis, vous avez souhaité essayer de réunir le plus largement possible toutes ces personnes avec une application. Alors une application, faut le préciser, qui a remporté un concours récemment, la Startup Weekend. Qui vous a permis d'élaborer un peu plus, d'aller plus loin dans ce projet, tout simplement. En quoi ça consiste exactement? Alors en fait, nous sommes partis d'un constat, il y a beaucoup trop de voitures sur nos routes à La Réunion. Donc nous avons pensé à un outil qui permettrait de réconcilier les gens avec les transports en commun. D'abord, c'était parti sur cette idée-là. Donc, on avait pensé à faire de la géolocalisation des bus en temps réel pour éviter les attentes aux arrêts. Nous étions aussi partis sur un système de visualisation, en fait, pour voir si les bus sont pleins ou non. Et en réfléchissant plus loin, en voyant plus large, nous sommes rendus compte qu'il y avait d'autres solutions, en plus des transports en commun, notamment le covoiturage. Et nous avons décidé d'intégrer ça à notre application. Ça veut dire qu'une personne peut partir de chez elle avec un bus, aller d'un point A à un point B, puis du point B au point C en covoiture. C'est ça l'idée ? C'est bien ça. En fait, vous entrez votre destination dans l'application. Elle va vous proposer les différentes solutions, que ce soit en transport en commun, que ce soit en covoiturage si jamais c'est disponible, voire un mix des deux. Alors, ça, c'est un projet qui est naissant encore. Vous en êtes où exactement ? Vous venez de le concevoir. Est-ce que vous pensez le matérialiser rapidement ? Alors en fait, on avait déjà une première partie de l'application qui était quasiment terminée, celle avec les transports en commun. Là, nous sommes en train de travailler sur l'ajout du covoiturage dans l'application. Et je pense que d'ici 3-4 mois, ce sera au point. Et on vous trouve où, vous aussi, comme tout à l'heure, je pose la même question qu'à Madame Lichyan. Alors pour l'instant, nous n'avons qu'une page Facebook, Nous Transport, N-O-U apostrophe transport avec un E à la fin. Nous avons un site web qui est en cours de création. Et c'est quasiment tout pour l'instant. Et vous êtes combien à travailler là-dessus ? Pour l'instant, nous sommes à 4. D'accord. Donc une équipe de 3 développeurs, un développeur qui est un peu graphiste et Grégory qui est un peu notre monsieur chiffre. D'accord. Est-ce qu'il y a un but lucratif derrière tout ça ? Alors, à la base, non. Nous étions vraiment partis dans l'optique de pouvoir rendre service aux Réunionnais. Mais nous nous sommes rendus compte à la Startup Weekend qu'un projet n'est réellement viable que s'il rapporte de l'argent. Donc il va bien falloir trouver des moyens de gagner un petit peu. Mylène Gonsalves, c'est quoi votre regard sur tout ça, le projet du Get Lichyan, qui est plus qu'un projet, hein, puisque ça a démarré avec cette plateforme Partazloto, cette application Nous Transporte? Je crois que ces différents projets interviennent au bon moment. Vous êtes, vous entrez dans ce créneau-là, mais c'est vrai que cette année, on a beaucoup d'applications qui sont arrivées sur le marché réunionnais. Je pense à Caros, mais il y a d'autres applications. Les réseaux de transport avec les applications Carjaune, Getbus et Alterneo participent aussi à ce mouvement. Il y a d'autres applications encore qui sont en cours de développement ou de présentation au cours de cette semaine européenne de la mobilité. Je pense à Cyclanou, qui est aussi un site collaboratif qui permet d'avoir des informations sur le vélo à La Réunion et qui en fait facilite la pratique du vélo. Je pense aussi à un outil qu'a développé Orusoi, donc à La Réunion, sur du covoiturage événementiel. Donc il y a une prise de conscience, en tout cas, qu'on ne peut pas continuer à n'utiliser que la voiture en mode solo à La Réunion. Et c'est l'intérêt de tout le monde, de l'individu, de l'entreprise et de la société globalement, de se tourner vers des déplacements alternatifs à la voiture. Et je crois que c'est une prise de conscience qui se matérialise par toutes ces applications qui voient le jour ces temps-ci. Et vous qui êtes la présidente du syndicat mixte des transports de La Réunion, est-ce que vous pensez que ça peut réconcilier les gens avec les transports en commun, comme le disait Samuel Ramassamy tout à l'heure? Les gens, ils sont fâchés un petit peu avec les transports en commun? Avant que je vous réponde, une petite précision, je suis la directrice du syndicat mixte de transport. Directrice. Je suis persuadée, en tout cas, que les outils vont permettre, de faire prendre conscience qu'il y a moyen de faire autrement, d'apporter une offre significative. Je pense au covoiturage. Je pense que c'est un secteur qui est amené à se développer. Les transports en commun, bien entendu, ça facilite le déplacement du voyageur. Bien entendu, ce n'est pas la panacée. Il faut aussi accompagner de mesures permettant d'améliorer la qualité de service dans les transports en commun. Mais en tout cas, c'est un des leviers, comme bien d'autres, de croissance ou de développement des transports en commun. Transport, le voyageur connecté, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu, vos questions au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000. Et sur notre canal SMS 06 92 70 2000, on a Jismi du Tampon qui nous dit: pour éviter les violences contre les chauffeurs de bus, il faudrait déjà qu'ils ne vendent plus de tickets à bord. Comme ça, ils n'auraient pas de monnaie. On pourrait en acheter dans des points de vente sécurisés ou par Internet. Voilà, on rejoint le côté connecté. Mylène Gonsalves, sur cette contribution de Jismi. Exactement, c'est un des points sur lesquels travaille le syndicat mixte de transport, puisqu'il a programmé un projet bien avancé de mise en place d'une billettique sans contact, dont les titres de transport pourraient être vendus sur Internet, ce qui facilite la montée en bus et donc finalement la prise en charge des voyageurs et évite tous ces problèmes récurrents de sécurité vis-à-vis ou d'insécurité du chauffeur. Oui, alors ça, l'avantage de sécuriser et puis de fluidifier aussi. Exactement, oui, il y a deux objectifs. La sécurité du chauffeur, elle est aussi grandement améliorée avec tous les outils embarqués qu'on peut trouver à l'intérieur des bus. Tout à l'heure, Monsieur Ramassamy a parlé de géolocalisation des bus, donc de tels systèmes existent à l'intérieur des bus et ils sont équipés aussi de systèmes d'alerte qui permet aux chauffeurs d'alerter au moindre incident, ce qui facilite aussi l'intervention des forces de l'ordre ou en tout cas des personnes adéquates pour assister le chauffeur. Et ce projet, il peut se concrétiser à quel horizon ? C'est du moyen terme, du court terme ? Alors, sur les réseaux de transport à La Réunion, il existe déjà une billettique sans contact, c'est celle qui est en vigueur sur le réseau Carjaune. La Civis est en train va déployer en 2017 sa billettique sans contact et le syndicat mixte de transport a lancé une consultation qui est en cours encore pour la mise en place d'une billettique mutualisée pour les autres. Les délais, on va dire, de mise en œuvre de marché public font que cette billettique, elle sera mise en place à partir de 2018 plutôt. Plutôt 2018. Voilà. Et quant à l'idée d'en finir avec la monnaie dans les bus, d'acheter ces tickets à bord des bus, puisque c'est l'idée de Jismi qui dit qu'il faudrait les acheter à l'extérieur, et je sais que ça se fait ailleurs. Est-ce que les gens sont prêts à ça ici, partir du principe que vous achetez votre billet à un point de vente qui peut être tout près d'un arrêt de bus central, par exemple, mais pas dans le bus? Il peut y avoir... Alors, acheter sur Internet, c'est, je veux dire, facile pour une population jeune ou une population... Non, mais sans forcément passer par Internet, à un point de vente physique, quoi. Mais bah, qui ne soit pas dans le bus. Enfin, déjà, tous les réseaux incitent à acheter les tickets à l'extérieur. D'abord, c'est parfois moins cher d'acheter par carnet de tickets plutôt que d'acheter un titre unitaire à l'intérieur d'un bus. Donc, il y a des raisons de coût. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des raisons aussi de fluidité, des montées de prise en charge des passagers qui amènent les réseaux à favoriser la vente au sol plutôt que la vente à bord. Donc, bien sûr, il y a des mesures incitative, il y a certainement une communication à faire à destination des usagers pour qu'ils soient plus dans l'anticipation de l'achat des titres de transport. Puisqu'on parle d'argent, Huguette Léchiane, comment ça fonctionne à ce niveau-là pour les personnes qui font du covoiturage par votre intermédiaire, sur votre site, Partaz ou Loto? Il faut donner de l'argent au conducteur, combien, etc. Oui, donc en fait, donc pour pouvoir adhérer à l'association, donc c'est une cotisation annuelle de 5 ans, donc qui permet aux personnes de bénéficier soit... Non, donc, une cotisation de 5 ans de... De 5 euros par an. 5 euros par an, cotisation annuelle de 5 ans. Oui, voilà, de 5 euros par an, donc qui permet donc aux personnes donc soit d'être passager ou conducteur, peu importe, et ensuite oui, passager comme conducteur, oui. Toute personne qui covoiture, oui. Par votre intermédiaire, c'est 5 euros par an, d'accord, voilà. Et ensuite le passager donc verse une indemnité minime au conducteur, si bien sûr le conducteur souhaite faire payer. Minime, c'est combien? Je n'ai pas voulu concurrencer les tarifs de Citalis et de Cargeone. Par exemple, Saint-Denis-Saint-Pierre, ça ferait 4,50 €. Saint-Denis-Saint-Paul, 1,50 €. Donc c'est quoi? C'est 10 centimes du kilomètre? Même pas, ça ferait à peu près 5 centimes le kilomètre. 10 centimes, ce serait vraiment au maximum. Mais beaucoup de passagers ne voudront pas donc à ce tarif-là, donc j'ai dû baisser à 5 centimes le kilomètre. D'accord. L'argent, c'est aussi le nerf de la guerre pour vous. Samuel Ramassami, comment vous allez vous débrouiller là-dessus? Vous avez trouvé des partenaires pour développer votre application? Alors, ça va dépendre s'il y a possibilité de faire des partenariats avec tous ceux qui sont gestionnaires des transports en commun. Après, pour la partie covoiturage, ce sera vraiment sur une... En fait, le conducteur va fixer un prix pour lequel il va prendre un passager. Et nous, on va prélever une infime part de ce prix, en fait. D'accord. Ça fonctionnerait comme ça. Après, on avait pensé à mettre de la vente de tickets via l'application directement. Ça rejoint un peu ce que disait... Madame, voilà, tout à l'heure. Ça permettrait d'éviter d'avoir de la queue à l'entrée dans le bus au niveau du chauffeur. Il me semble qu'en 2015, il y avait 5 millions de tickets qui étaient vendus directement via le chauffeur de bus pour le réseau Cargeone. Imaginez, ne serait-ce réduire cela de moitié, ce serait vraiment un gain de temps, je pense. Et un gain de sécurité, comme disait Madame tout à l'heure. D'accord. Et donc, pour développer cette application, vous avez besoin d'informations, évidemment. Comment vous allez fonctionner? C'est la question que beaucoup de gens se posent, forcément. Comment vous allez fonctionner avec l'existant? Est-ce que vous êtes prêt à des partenariats avec les applications comme Caros? Il y a Roule Ensemble aussi, il y a Partaz Out Loto. Est-ce que vous allez être un regroupeur ou est-ce que vous allez être un concurrent, finalement? Nous, on se voyait plus comme des regroupeurs. Pas des concurrents. D'accord. Nous voulons vraiment mettre en avant le bien-être de l'utilisateur, en fait. Créer toute une communauté autour de l'application, des partenariats, comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit avec les gestionnaires de transport, que ce soit avec d'autres applications. Nous sommes ouverts à toute éventualité. Ça veut dire qu'il y a des négociations qui doivent s'ouvrir quelque part, parce que chacun est propriétaire un petit peu de son dispositif. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, Huguette Léchiane? Oui, ce serait pas mal, sauf que donc moi c'est une association, hein, donc je tiens à le préciser. Donc il n'y a pas de commission sur les trajets que les conducteurs vont faire avec les passagers. Donc, je ne demanderai pas de carte bancaire ni de RIB. Oui. Voilà, il y a ça aussi, puisqu'on parlait de carte bancaire tout à l'heure. Vous, c'est sans carte bancaire. C'est tout le contraire de... Parce que là, on disait, la carte bancaire, ça permet de fluidifier, etc. Vous, c'est de la monnaie. Voilà, c'est juste le passager qui va verser 1 ou 2 euros maximum, ou 4 euros si c'est sur Saint-Denis-Saint-Pierre. Mais en aucun cas, l'association ne prélèvera de commission. Donc lors de l'adhésion, inutile de, je ne demanderai pas les cartes bancaires et les RIB. Et le covoiturage fait réagir nos auditeurs. On en a un qui nous envoie ce texto. C'est bien le covoiturage, mais il faudrait faire bouger les collectivités pour créer des parkings afin que les voitures soient garées correctement et n'envahissent pas les lotissements ou les stations-service et gênent les riverains. Ça, c'est une vraie question de fond, Mylène Gonsalves. Comment on organise le covoiturage? Parce que si on le laisse se développer ici et là sans l'accompagner, ça donne ça, du stationnement sauvage? C'est vrai, c'était le cas il n'y a pas très longtemps aux alentours de la route des Tamarins où finalement les gens s'organisaient spontanément entre eux pour covoiturer en laissant les véhicules sur les bas-côtés, ouais, des échangeurs, etc. La région a mis en place un programme de réalisation d'aires de covoiturage dont un certain nombre ont été livrés depuis l'année dernière. Ce programme se poursuit et à terme, c'est plusieurs centaines de places qui seront livrées. Je crois que, de mémoire, il y a déjà 240 places livrées. C'est certainement pas suffisant si on souhaite que ce mode de déplacement se développe à La Réunion, mais il y a d'autres projets d'aires de covoiturage qui vont faciliter le stationnement et la prise en contact avec les covoitureurs. On a des idées des sites où ça peut se développer déjà, des projets qui sont en cours? Il y a des projets, il y a encore des aires de covoiturage le long de la route des Tamarins qui sont en cours de réalisation. Ensuite, il y a des parcs relais, en fait, qui sont des parcs relais avec les transports en commun, mais qui pourraient aussi servir d'aires de covoiturage pour peu qu'on mobilise une partie de ce parking. En tout cas, les aires de covoiturage sont une, comment dire, nécessitent aussi souvent du foncier et c'est sûr que c'est une difficulté supplémentaire à La Réunion de retrouver ce foncier. Mais je crois que les communes aussi se mobilisent pour faciliter les stationnements à l'intérieur des communes et de mobiliser, en tout cas, et mobilisent des parkings, des aires pour le stationnement. Le site que vous avez mis en place, Huguette Lichyan, Partaz Outloto, est-ce que c'est un frein pour vous, ce manque de parking pour l'instant? Enfin, on entend que ça se développe, mais c'est vrai que si on veut vraiment donner un élan au covoiturage, il en faut plus. Oui, bien sûr, et je crois qu'il y a un parking à Sainte-Marie du parc qui est en cours de réalisation. Et en fait, moi, je donne aussi des conseils à mes adhérents pour leur lieu de rendez-vous. Donc, j'essaye de leur donner des astuces à se garer le long des rues, je dirais de fréquence, hein, et non pas dans des endroits un petit peu isolés pour que les gens puissent se rencontrer. Et d'accord, partir dans la même voiture, oui. Et les personnes qui covoiturent, pour l'instant, elles ne sont pas très nombreuses. Vous me disiez, ça fait 4 mois que vous avez lancé le site. Non, 2 mois. Puisque 2 mois. Oui, les enquêtes, j'ai terminé les enquêtes mi-juin. Et ensuite, nous sommes déjà début septembre, donc ça ne fait que 2 mois. Alors, ça fait que 2 mois, effectivement. Vous avez combien de personnes qui sont engagées dans cette démarche de covoiturage pour le moment donc, avec j'ai vous? J'ai 30 adhérents. 30 adhérents, jour, oui. D'accord. Et quand on va sur le site, on trouve 4 ou 5 annonces seulement. Est-ce que c'est exhaustif ou parce que, évidemment, ça fait peu. Enfin, vous démarrez, effectivement, mais qu'est-ce qui peut créer un entraînement positif? En fait, je publie les offres et les demandes seulement quand il n'y a pas des personnes qui correspondent au trajet. Mais quand les voitures sont pleines, je ne publie pas les offres et les demandes. Ça, c'est inutile. Voilà, donc ça permet aux personnes intéressées de m'appeler et ensuite de proposer une place ou au contraire de chercher une place. D'accord. Et il faut que ça colle parfaitement au trajet de la personne ou quelqu'un qui fait, je veux dire, n'importe quoi entre Saint-Denis et Saint-Paul peut s'arrêter éventuellement, si c'est sur son trajet, au port, déposer la personne, etc. Ça, c'est un accord de personne à personne? Comment ça marche? Oui, exactement. J'ai une personne, effectivement, elle fait Saint-Denis-Saint-Paul, mais elle est tout à fait d'accord de faire un petit détour sur le port. D'accord. Oui, oui, donc c'est au cas par cas. C'est vraiment un service personnalisé de covoiturage, hein, je tiens à le préciser. Alors, le covoiturage, c'est un des maillons de la chaîne, on va dire, Samuel Ramassamy, pour votre application Nous Transporte. Si on les met tous bout à bout, il y a quoi comme solution? Le bus, le covoiturage, le vélo également Alors, nous, on met vraiment en contact les gens, comme solution que nous, on propose via notre application, c'est vraiment les transports en commun ou du covoiturage. Tout ce qui dit vélo, je pense que les gens sont déjà au point là-dessus. D'accord. Le vélo, par rapport au maillon que ça peut constituer avec les bus, est-ce que ça marche forcément on a un vélo, on s'arrête à un endroit et on veut prendre le bus pour faire une partie du trajet, la fin du trajet par exemple, qui serait une bonne grimpette, on va dire. Est-ce que c'est possible de mettre un vélo dans un bus? Est-ce qu'il y a des endroits où ça marche, d'autres où ça ne marche pas? Alors, il y a des endroits où on peut mettre des vélos dans des bus, sur certaines lignes en particulier. Maintenant, il y a une alternative en fait au vélo dans les bus, c'est d'avoir des aires de stationnement de vélos dans les gares routières ou les pôles d'échange pour assurer ce que j'appellerais le dernier kilomètre, hein, soit pour rentrer chez soi, soit pour se rendre à son travail. Donc il y a certainement une forme de d'intermodalité entre les transports en commun et le vélo à trouver pour permettre de faciliter la poursuite d'un itinéraire commencé en transport en commun réciproquement. Il y a certainement des indications que nous fournira l'enquête déplacement grand territoire qu'on a menée en début d'année pour savoir comment les Réunionnais utilisent les vélos, quelle est la durée, comment ils se déplacent, sur quelle durée, pour pouvoir orienter, on va dire, les politiques, hein, en fonction des trajets, de la distance aussi parcourue. Par exemple, si on se rend compte que c'est un exemple, hein, que la moitié des trajets à une distance inférieure à 3 km ou inférieure à 5 km, on pourra imaginer que le vélo est une bonne alternative à la voiture individuelle. Si, à contrario, les déplacements à une distance se font sur une distance très importante, il est clair que le vélo n'est pas la solution, surtout quand on connaît la géographie, la topographie de l'île. La question après, c'est comment convaincre ceux qui n'utilisent pas leur vélo aujourd'hui à l'utiliser demain, parce que de savoir qu'ils ont moins de 3 km, ça, ils le savent, les gens. Après, c'est de choisir un autre mode de déplacement. Qu'est-ce qu'on dit aussi? C'est une question de santé, du coup? C'est une question de santé, c'est une sensibilisation en fait à l'usage du vélo, peut-être dès le plus jeune âge. Le comité de réunionnais de promotion du vélo, d'ailleurs, mène de telles actions dans les établissements scolaires pour finalement rassurer les jeunes sur et puis aussi les sensibiliser à la sécurité dans l'usage du vélo. Oui, parce que c'est ça que j'allais vous dire, il y a aussi l'aspect sécurité. On entend beaucoup d'accidents graves parfois, malheureusement très graves même, avec des cyclistes. Donc il y a cet argument là il faut peut-être d'abord sécuriser les axes routiers pour les vélos. Ça, c'est un autre axe. Il faut très certainement, mission. En tout cas, si on veut développer l'usage du vélo, développer les pistes, mettre en place des vraies voies vélo. La région a un tel projet avec la voie vélo régionale. C'est la condition pour permettre à un plus grand nombre de rouler de manière sécurisée sur le vélo. Mais il y a déjà des tas d'endroits à La Réunion où on peut rouler de manière sécurisée à vélo et on ne le fait pas pour autant. Voilà. On fait des petits déplacements en voiture, alors qu'on pourrait même les faire à pied bien souvent. Aller chercher son pain, par exemple, ça ne nécessite pas forcément la voiture. Et puisqu'on parle de sécurité, Huguette Léchian, pour les personnes qui font du covoiturage, celles qui vont prendre des personnes qu'elles ne connaissent pas forcément au départ, comment vous garantissez que toute la sécurité soit garantie? En fait, avant l'adhésion, je vérifie la pièce d'identité, comme je vous avais dit, et les papiers du véhicule. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose que ne font pas les autres sites de covoiturage. Donc, je pense que ça rassurera pas mal de personnes. Comment ça se passe en cas d'accident, pour les questions de responsabilité? Alors en fait, justement, donc je vérifie l'assurance du véhicule, puisque chaque personne qui assure son véhicule, c'est l'assurance du véhicule qui prend en charge toutes les personnes qui seront à bord de ce véhicule. Donc le passager sera forcément, si bien sûr l'assurance est valide, hein, donc le passager sera forcément donc assuré par le véhicule du conducteur. Quelles seraient les dernières difficultés auxquelles vous seriez confronté pour monter votre application d'optimisation des déplacements, Samuel Ramassami? Ça s'appelle Nous Transporte. Oui. Vous pouvez préciser votre question, c'est assez large. En fait. C'est assez large, mais quand on veut, quand on a un projet comme le vôtre, que vous l'avez peaufiné, il y a encore, j'imagine, des obstacles, des difficultés, des barrières qui peuvent se présenter. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour aller au bout du projet? Le plus dur, je pense que ce sera essayer de faire changer la mentalité des gens. Essayer de faire oublier ce tout voiture, en fait. Je pense qu'il faut vraiment faire ce travail sur les personnes, essayer de les sensibiliser, penser à l'environnement. Je pense que les transports en commun ou le covoiturage permettent aussi de faire des économies. C'est mettre l'accent sur ces points positifs et de ce fait, faire oublier le tout voiture. Le tout voiture, c'est vrai que c'est la question des mentalités à faire changer. C'est sans doute le nœud du problème. Merci à tous les trois d'être venus au micro de Réunion Première parler du voyageur connecté. Mylène Gonsalves, directrice du syndicat mixte de transport de la Réunion. Huguette Lichiane, présidente de l'association Partage Outloto. Et Samuel Ramassami, qui fait partie des concepteurs de Nous Transporte. C'est dans l'actu. Demain, va-t-on stopper Alzheimer? Question posée à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Du 16 au 25 septembre prochain, Sillaos devient cirque d'inspiration et de création. Exposition, contes, stages artistiques, réalisation d'une BD géante, ateliers, comédies musicales et concerts seront au programme durant ces 10 jours. Suivez tout le programme de la 13e édition du Sillaos Art, organisée par Destination Sud Réunion, en collaboration avec l'Archipel des métiers d'art et la ville de Sillaos, sur Réunion Première, en direct du cirque de Sillaos, les samedis 17 et 24 septembre, ainsi que les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Et sur la première, c'est Ingrid qui est avec vous jusqu'à 14h. Excellent après-midi. Merci Philippe, à demain. Aujourd'hui, on reste sur la thématique des achats par Internet qui peuvent être une vraie galère pour nous ultramarins. Tessa Groman nous en parlera dans la chronique économique. Mais avant ça, en exclusivité sur Réunion Première, le duo Pixel Anouchka, la petite gagnante de Kid Créole saison 1. C'est mon étoile qu'on écoute sur la première et uniquement sur la première. Pixel en exclusivité sur Réunion Première. Écoute mon étoile avec Anouchka. La la la la la la la la. Sois là où vont mes pas. Il me faut ta ta présence. Réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible, et m'y connaît maintenant. M'y péconcilie. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, d'être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la. Sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là. Juste là avec moi. Je sais que je peux compter sur mon étoile. Yeah. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air. Septembre, nouveau départ, Pixel, yes sir. C'était Pixel en duo avec Anouchka, la petite gagnante de la première saison de Kid Créole. Et vous aussi, pour vous inscrire pour la seconde saison de Kid Créole, eh bien rendez-vous sur le www.kidcreole.re. 12h54, c'est à présent l'heure de la chronique économique et ce midi, Tessa Gromann nous parle de commerce en ligne qui peut être assez galère quand on vit en Outre-mer. La chronique éco, Tessa Gromann. En Outre-mer, le consommateur a moins de choix que dans l'Hexagone. L'éloignement et l'exiguïté des lieux limitent le stockage dans les magasins. Dans ce contexte, on pourrait imaginer que l'achat en ligne y a toute sa place, sauf que le transport a un coût et que celui-ci peut être dissuasif. Outre les frais d'expédition, il y a aussi les taxes comme l'octroi de mer. Et ce n'est pas tout. Thierry Klopp de la société de transport DHL. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le e-commerce, il y a une composante qu'on néglige toujours, qui est la politique de retour. Et c'est là où, à un moment donné, vous avez deux coûts dans le transport. Vous avez l'acheminement, qu'il soit d'un pays à un autre, intercontinental, d'une région à une autre. Vous allez avoir la vitesse de ce transport. Je fais d'express. L'express, c'est plus cher que si je fais du postal, pour schématiser. Mais le retour est une composante importante. L'éventualité d'un renvoi d'une commande est calculée dans le prix de l'article et réexpédier un colis depuis Saint-Denis de la Réunion n'a clairement pas le même coût que depuis une ville de l'Hexagone. Le prix de l'envoi est aussi fonction de la concurrence entre sociétés de transport et du volume de colis envoyés par les sites de vente en ligne. Une équation difficile à solutionner. Ingrid Maisonneuve-Chêne est la fondatrice de Shopil, une entreprise de réexpédition de colis vers l'outre-mer. On a des solutions en fret aérien, en fret maritime, avec des expressistes. Mais ces solutions, on peut les avoir que si on fait du volume. Donc c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Et comme nous, ça fait déjà depuis 2012 qu'on s'est lancé, on a réussi à maintenir les tarifs avec, par exemple, des DHL ou des choses comme ça. Et avec la Poste, on les met en concurrence et ils sont obligés de faire attention aux tarifs qu'ils nous proposent.

Bonjour. À la une de l'actualité aujourd'hui, les enquêtes autour de l'attentat de Nice le 14 juillet, autour du canular organisé par deux adolescents à Paris et des attaques de New York et du New Jersey le week-end dernier. Des enquêtes qui progressent. Plusieurs arrestations ont eu lieu ces dernières heures. On fera un point complet sur toutes ces affaires dans quelques instants. À suivre, les pistes envisagées par la commission d'enquête parlementaire créée au printemps pour lutter contre la souffrance animale dans les abattoirs. Et puis Thierry Fiori l'a vu en avant-première, le dernier film de Daniel Thompson. Cézanne et moi en salle demain. Sa critique cinéma à la fin du journal. France Info. Et d'abord, donc, ces dernières informations sur l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. Oui, on a appris ce matin que plusieurs personnes avaient été interpellées hier et ce matin à Nice et dans des communes avoisinantes. Des personnes de l'entourage du conducteur du camion fou, Mohamed Laouedj Boulel. La majorité sont nées en Tunisie. Ces personnes ont entre 21 ans et 57 ans. 6 personnes sont actuellement mises en examen pour cet attentat perpétré sur la promenade des Anglais. Il avait fait 86 morts. C'est depuis la